De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, c'est votre chronique chaque semaine présentée par Noémie, facilitatrice relationnelle, qui nous donne plein de tuyaux pour mieux s'entendre au quotidien. Bon là, depuis la semaine dernière, tu nous parles de conflit. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Alors le conflit. Le conflit. Alors on en a parlé la dernière fois, l'idée de le prendre comme une opportunité et pas forcément comme quelque chose de crispant. Alors c'est vrai que c'est un désaccord à la base, ça crée de la tension, c'est désagréable, mais ça peut être une occasion d'avancer et de découvrir de nouveaux horizons. Donc il peut y avoir différentes postures possibles dans un conflit. Oui, et pour vous les présenter, moi je m'appuie sur un outil intellectuel qui s'appelle la croix de Thomas Eckelmann que j'ai apprise à l'université de Paimpol-Namur il y a une dizaine d'années. Donc il y a certainement d'autres outils, hein, mais c'est ce que moi j'ai. Donc voilà, on va imaginer une situation conflictuelle entre toi et moi si tu veux bien. Allons-y. Alors à la base, on va prendre un truc agréable. Imaginons qu'on a envie d'aller en vacances ensemble avec nos familles. Exact. Et que dans ta famille, vous avez plutôt envie de passer 2 semaines à la mer et que moi, j'ai plutôt l'habitude d'aller passer 2 semaines à la montagne. Voilà, comment ça va finir? Comment on va faire? Alors, solution 1, j'impose ma solution. Oui. Donc, ça sera 2 semaines à la montagne. Cette année, en tout cas, c'est que ça sera comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle la posture de compétition ou de domination. L'image d'animal qu'on met derrière quand on en parle aux enfants, c'est le lion. Alors, souvent, on voit cette posture de manière très négative. Et en fait, cette posture est tout à fait judicieuse dans des situations suivantes. Il y a un enjeu de sécurité. Il y a de l'urgence, je suis légitime dans mon statut, par exemple, de parent, de chef d'équipe, j'ai une compétence. Donc là, en fait, c'est totalement normal que, par exemple, si mon enfant veut traverser la route et qu'en face, le petit bonhomme est rouge, qu'il n'y a pas de discussion, je le retiens, on n'a même pas à dialoguer, en fait, c'est moi qui sais que c'est la sécurité. Donc en fait, cette posture-là est souvent dévalorisée, mais elle a aussi sa légitimité à exister. La vigilance, c'est que ça va pas favoriser la relation. Si on est, on prend souvent cette posture avec quelqu'un pour qui la relation c'est important, eh ben ça va abîmer un petit peu la relation. Donc c'est le fait de répéter cette posture qui peut être nuisible. D'accord, elle peut être tolérée de temps en temps. Voilà, et bien dans les circonstances que je viens de citer. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les pompiers, il n'y a pas discussion, il y a un chef, il y a une hiérarchie. C'est important qu'on ne passe pas 300 ans autour d'une table pour discuter si c'est OK ou pas de monter l'échelle. Pareil dans les contextes militaires, c'est légitime. Effectivement, mais là, moi, je veux partir à la mer. Je suis aussi lion. Alors, comment ça se passe? Ça va mal finir. Alors, moi, par exemple, comme toi, je pense, j'aime pas les conflits non plus. Et donc, je vais dire, bon, OK, allez, cette année, on va à la mer. Ça veut dire que moi, je suis dans une posture d'accommodement. C'est-à-dire, je recule pour te laisser la place. D'accord. Ça, c'est un bon choix pour entretenir la relation. Hein, je cède. Et c'est souvent ce que font plein de gens pour entretenir la relation, par peur du conflit et en se disant, bon, c'est OK. Le point de vigilance, c'est qu'en faisant ça, il faut bien vérifier qu'à l'intérieur de soi, on est complètement OK de lâcher, parce que sinon, on risque d'accumuler les frustrations. C'est ça. Et ça, c'est très dangereux aussi le côté répétitif. Si je suis tout le temps la personne qui cède sans avoir exprimé que je voudrais les choses autrement, eh bien, en fait, je me nuis à moi-même, je m'oublie, je ne m'écoute plus. Et ça, c'est un point de vigilance à avoir. L'accommodation, c'est cool, ça entretient la relation, mais mon rapport à moi-même, mon intégrité, mon respect de moi-même, eh bien, il est un peu abîmé aussi. C'est une notion de compromis aussi. Alors, ça, c'est la troisième piste. C'est la troisième. Et je te propose qu'on en parle à la séquence suivante. Ça marche. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.